Chapitre 349. L'interdiction absolue pour l'esclave de s'enfuir de chez son maître. 1768. Selon Jarir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'esclave qui s'enfuit de chez son maître ne bénéficie plus d'aucune protection. » Muslim. 1769. Jarir, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « La salate de l'esclave en fuite n'est pas acceptée. » Muslim. Dans une autre version, « L'esclave en fuite a mécru. »